Œuvre complète de Lamartine publiée inédite. Tome 7e. Paris chez l'auteur, rue de la Ville-l'Évêque, 43, 1861. Peuple du Liban. Suite. Les Métualis, qui forment le tiers environ de la population du Bas-Liban, sont des mahométans de la secte d'Ali, secte dominante en Perse. Les Turcs, au contraire, sont de la secte d'Omar. Ce schisme s'opéra dans l'islamisme, la 36e année de l'Hégire, soit l'an 656. Les partisans d'Ali maudissent Omar comme usurpateur du califat. Hussein et Ali sont leurs saints. Comme les Persans, ils ne boivent ni ne mangent avec les sectateurs d'une autre religion que la leur, et brisent le verre ou le plat qui a servi à l'étranger. Ils se considèrent comme souillés, si leurs vêtements touchent les nôtres. Cependant, comme ils sont généralement faibles et méprisés dans la Syrie, ils s'accommodent d'autant, et j'en ai eu plusieurs à mon service qui n'observaient pas rigoureusement ces préceptes de leur intolérance. Leur origine est connue. Ils étaient maîtres de Baalbek vers le XVIe siècle. Leur tribu, en grandissant, s'étendit d'abord sur les flancs de l'anti-Liban, autour du désert de Pkaa. Ils le traversèrent plus tard, et se mêlèrent aux Druzes dans cette partie de montagne qui règne entre Tyr et Saïd. L'émir Youssef, inquiet de leur voisinage, arma les Druzes contre eux, et les repoussa du côté de Safad et des montagnes de Galilée. Daé, pacha d'Acre, les accueillit et fit alliance avec eux en 1760. Ils étaient déjà assez nombreux pour lui fournir 10 000 cavaliers. À cette époque, ils s'emparèrent des ruines de Tyr, village au bord de la mer, appelé maintenant Sour. Ils combattirent vaillamment les Druzes, et défirent complètement l'armée de l'émir Youssef, forte de 25 000 hommes. Ils n'étaient eux-mêmes que 500, mais la rage et la vengeance en firent autant de héros, et les querelles intestines qui divisaient les Druzes entre l'émir Mansour et l'émir Youssef contribuèrent au succès des Métualis. Ils abandonnèrent Daé, pacha d'Acre, et leur abandon causa sa perte et sa mort. Djezar Pacha, son successeur, s'en vengea cruellement sur eux. Depuis 1777, Djezar Pacha, maître de Saïd et d'Acre, travailla sans relâche à la destruction de ce peuple. Ses persécutions les contraignirent à se réconcilier avec les Druzes. Ils rentrèrent dans le parti de l'émir Youssef, et, quoique réduit à 700-800 combattants, ils firent plus dans cette campagne, pour la cause commune, que les 20 000 Druzes et Maronites réunis à Deir el-Kamar. Ils s'emparèrent seuls de la forteresse de Marjeba, et passèrent 800 arnauts au fil de l'épée. Chassés de Baalbek l'année suivante après une résistance désespérée, ils se réfugièrent, au nombre de 500 à 600 familles, parmi les Druzes et les Maronites. Ils redescendirent plus tard dans cette vallée, et occupent encore aujourd'hui les magnifiques ruines d'Héliopolis. Mais la plus grande partie de la nation est restée sur les pentes et dans les vallées du Liban, du côté de Sour. La principauté de Baalbek a été, dans ces derniers temps, le sujet d'une lutte acharnée entre deux frères de la famille Harfouch, Djadja et Sultan. Ils se sont dépossédés tour à tour de ce monceau de débris, et ont perdu dans cette guerre plus de 80 personnes de leur propre famille. Depuis 1810, l'émir Djadja a régné définitivement sur Baalbek. Markemdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.